des petits bazars, un petit fil était là, moi la ville il était gaillard. Dimanche soir à côté petit bazar, un petit fil était là, moi la batinzier pour voir. Sans robe qui vole en l'air, son figuel était clair, il avait un bon petit leder. Moi la cosse côté de lui, il a fait son joli. Alors moi la dit, elle est jolie, tant dans les blancs comme des riz. Elle est jolie, ton yeux brille comme grain litchi. Ton yeux les noirs, Tifi, je veux les noirs aussi. Ah, Tifi n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz. Elle est jolie, oh Tifi, tu es jolie, jolie même. T'as rien que tes mêmes, oh fais fondre mon cœur comme ça même. Elle est jolie, tant dans les blancs comme des riz. Que les jolis, ton yeux brille comme grain de chi. Ton yeux des noirs, Tifi, ton cheveux des noirs aussi. Ah, Tifi n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz. Donne à lire rendez-vous, bar à choix, moi l'avenir, mais voilà mon Tifi, il était pas là. Donne à lire rendez-vous, bar à choix, moi l'avenir, mais voilà mon Tifi, il était pas là. Moi la partie des syllabiques, là-bas côté la mer n'aurait été moins dit. Ah, m'imagine quand soleil la tombe dans la mer, t'es pareil mon cœur, moi t'es plaie à mon zézère. Tout elle est jolie, tant dans les blancs comme des riz. Elle est jolie, ton yeux brille comme grain litchi. Ton yeux les noirs, Tifi, ton cheveux les noirs aussi. Ah, Tifi n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz. Ah, Tifi n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz. Ah, Tifi n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz.